France Inter, franceinter.com. Il s'agit certainement de l'une des opérations d'espionnage les plus audacieuses du siècle dernier. La plus audacieuse, mais aussi la plus méconnue. Et si j'ai voulu vous la raconter aujourd'hui avec Monsieur X, c'est qu'elle a eu pour théâtre Berlin. Berlin, dont nous allons beaucoup parler les jours prochains en raison de la célébration du 20e anniversaire de la chute du mur. Alors, quelle est cette opération? C'est la construction, dans la première moitié des années 50, d'un tunnel sous Berlin. Un tunnel d'un demi-kilomètre qui a permis aux services secrets anglo-saxons d'espionner pendant presque un an les communications militaires des soviétiques. Mais, vous le savez, si vous êtes des auditeurs fidèles de Rendez-vous avec X, les dés étaient pipés dès le départ puisqu'un agent double avait alerté le KGB avant même la construction de ce tunnel. En effet, avec Monsieur X, nous avons déjà évoqué il y a une dizaine d'années cette extraordinaire affaire. Mais si j'ai voulu y revenir, c'est non seulement à cause de l'actualité, mais aussi parce que des documents récemment déclassifiés par la CIA jettent une lumière nouvelle sur cette opération et sur cette taupe qui a joué un rôle essentiel, un certain George Blake, l'un des plus grands espions du XXe siècle, l'espion qui ne regrette rien, comme l'ont appelé d'aucuns. War schön und zeigte stolz ihre Beine dem ganzen Café. Das hab ich vergessen, doch wie üblich am Tresen hat der Wirt mir davon erzählt. Jetzt bleibt mir nur noch die Hölle zu Haus, die sie mir jetzt macht. Kein guten Tag, kein gute Nacht. Und jedes Mal fängt sie wieder damit an. Weiß verblüht der Flieder zur Zeit. Zu mir hast du ja gesagt, sieh nur, was bleibt. Das Schlimme ist, so manches Mal denk ich gern an das, was war. Und ich muss sagen, dass, wenn ich trinke, die Wälder säuft in dem, worin ich versinke. Jetzt sitze ich und hör gut zu und mach alles mit, was man mir sagt. Wo und wie viel und den ganzen Rest, der da noch war. Weiß verblüht der Flieder zur Zeit. Zu mir hast du ja gesagt und sieh nur, was bleibt. Zu Haus, die sie mir jetzt macht. Kein guten Tag, kein gute Nacht. Und jedes Mal fängt sie wieder davon an. Weiß verblüht der Flieder zur Zeit. Zu mir hast du ja gesagt, sieh nur, was bleibt. Berlin dans les années 50, c'était un monde à part, une sorte d'îlot. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, à l'époque, il n'y avait pas de vraie frontière entre les secteurs de l'Ouest et celui de l'Est. Ouais, c'est-à-dire entre les secteurs contrôlés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et le secteur soviétique. C'est cela, ouais. Et on pouvait passer librement d'un secteur à l'autre. Bah, j'imagine qu'il devait quand même y avoir des contrôles, non? Bien sûr, mais en surface. Car il suffisait de prendre le métro pour traverser sans difficulté la limite théorique entre l'Ouest et l'Est. Les deux camps étaient donc au contact. Mmh. Dans ces conditions, Berlin était devenu un terrain de chasse idéal pour les espions de tout poil. Et on ne compte plus les affaires qui ont eu comme cadre l'ex-capitale du Troisième Reich. Seule Vienne, occupée jusqu'en 1955, a connu une situation identique. Oui, mais dans cette ville qui grouillait d'espions, parce que vous dites là, quel était le but du jeu alors? Ah ben, il s'agissait d'abord de faire du débauchage. Retourner des agents ennemis. Ouais, les amener ou bien à trahir ou à devenir des transfuges. Mmh. Mais pas seulement. Et ça a été la grande affaire du légendaire Marcus Wolf, chef des services de renseignement de la RDA. Il fallait aussi recruter des fonctionnaires, des diplomates, des militaires. Et toutes ces petites mains qui allaient être subornées par les Roméo de Wolf. Ouais, des donjons. Oui, oui, des types chargés de séduire des secrétaires, des assistantes qui risquaient d'être embauchées un jour prochain par des hauts fonctionnaires ou des hommes d'État de premier plan. À l'Ouest. Hein, oui, un travail de longue haleine, donc. Mais un travail aussi très compliqué. Mais pourquoi? Parce que les services, quels qu'ils fussent, n'étaient jamais à l'abri de manœuvres d'infiltration. Ouais, c'est-à-dire de gens qui feignaient d'accepter d'être recrutés, mais qui en fait continuer à travailler pour leur pays d'origine. Exactement. Mmh. Et j'ajoute autre chose. Je vous ai dit qu'il était facile de passer d'un secteur à l'autre. Mais la frontière, si elle n'était pas toujours matérialisée, était aussi psychologique et économique. Expliquez-moi ça. Bah, il n'était pas très bien vu d'être remarqué dans un secteur hostile. Ouais, quoi, de peur d'être suspecté de jouer un double jeu? Bah, c'est logique, non? Oui, oui. Et les raisons économiques, alors? Le marque occidental valait beaucoup plus cher que le marque oriental. Par conséquent, il était difficile aux soviétiques des troupes d'occupation d'aller faire leurs courses à l'ouest ou d'aller s'y amuser dans les boîtes de nuit. Car c'était cela aussi, Berlin, un gigantesque lieu de plaisir. Oui, mais pratiquement interdit aux soviétiques et aux Allemands de l'Est, parce que trop cher. Voilà, alors ça a forcément donné des idées à quelques petits malins. Et permettez-moi une digression avant d'en venir à l'histoire du tunnel de Berlin. Les Britanniques du MI6... avait imaginé un stratagème pour attirer les Russes. Il les recrutait donc? Bien sûr. Ouais. Il savait que les produits occidentaux faisaient rêver les soviétiques. Les bas, les montres, les sous-vêtements féminins de luxe. Alors, avec l'aide de quelques trafiquants locaux, les agents de l'intelligence service ont purement et simplement créé un magasin clandestin à l'intention de ces envieux. Mais comment ça fonctionnait ça? Alors, c'était très simple. Le MI6 a loué un très bel appartement non loin de la zone soviétique. Et il y a installé cette discrète boutique où l'on pouvait acquérir des produits de luxe introuvables à l'Est et à des prix défiant toute concurrence. Mais et les clients, bah, comment ont-ils été trouvés? Bah, grâce à des rabatteurs, ou plutôt des rabatteuses. Ou des prostituées. Ou des entraîneuses, des filles qui travaillaient dans les établissements situés à l'Est. Ouais. Et quand le client russe était ferré, comment ça se passait? Une fois arrivé dans ce magasin clandestin, le type était traité avec prévenance. On lui consentait des tarifs extraordinaires, des crédits s'il le fallait. Puis à la visite suivante, comme par hasard, un autre homme était présent. Ouais, un agent anglais. Bien entendu. Et le vrai travail de recrutement pouvait commencer. Alors, ça a marché? Autant que je le sache, pas beaucoup, non? Mais pour quelle raison alors? Les Russes n'étaient pas quand même des enfants de cœur. Il ne faut pas oublier qu'à l'étranger, ils étaient très surveillés. Je peux même vous livrer une anecdote assez amusante. Un jour, les Anglais ont cru avoir une touche sérieuse. Une soviétique, assez jolie. Mais après enquête, il s'est révélé que cette jeune personne n'était nullement russe, mais travaillait en réalité pour la CIA. Oui, alors la CIA qui avait essayé de percer les secrets de ce faux magasin. Oui, la concurrence existait entre les services, même alliés. Ouais, l'aventure s'est donc terminée. Assez rapidement. Pendant, à côté de ces manœuvres de recrutement, la grande affaire berlinoise... c'était la chasse aux renseignements. Et elle va prendre un aspect spectaculaire avec l'épisode du tunnel. Mais avant de vous raconter ça par le détail, parlons, ou plutôt reparlons de ce personnage tout à fait exceptionnel, George Black, qui a sans doute été l'un des espions les plus importants de ce siècle. Celui aussi qui a fait le plus de dégâts dans les services occidentaux. Alors, mais rafraîchissez-moi la mémoire. George Black, était un homme des services secrets anglais où il occupait d'importantes fonctions. Mais depuis longtemps, il avait été recruté par les soviétiques. Et il leur a livré une somme considérable de renseignements. Alors au fond, c'était une sorte de filbille. C'est à peu près cela, oui. En vous écoutant ou en lisant des livres consacrés à l'espionnage, on a l'impression que les services anglais ont été en permanence confrontés à ce genre d'infiltration. D'accord, mais qui vous dit que ça n'était pas le cas d'autres services? Oui, chez nous aussi, alors. Bien sûr. La différence, et les tailles, c'est que nous n'avons pas pu ou pas voulu découvrir les types de chez nous qui travaillaient pour les soviétiques. Ouais, vous insinuez que... Nous, je n'insinue rien du tout. Mais vous savez fort bien que pendant longtemps, on a soupçonné que dans nos services, il y avait des agents doubles. Ouais, même à l'Élysée du temps du général de Gaulle. C'est exact, oui. Ouais. Mais on s'est demandé à l'époque si la propagation de cette rumeur n'était pas un mauvais coup des Américains irrités par la politique anti-OTAN du général. Encore exact. Mais si vous le voulez bien, revenons à George Blake. Il est né au début des années 20, en Hollande. Ses parents étaient hollandais ? Sa mère, oui, mais pas son père. Albert Béard, c'était son nom, avait lui-même mené une existence assez aventureuse. Fils d'un riche marchand juif de Smyrne, installé au Caire. Béard, sujet britannique, fait la guerre de 14-18 dans notre légion étrangère, puis dans l'armée anglaise. Plusieurs fois blessé et décoré, il se fixe après la guerre aux Pays-Bas. Alors, où il rencontre sa future épouse? Oui, il a juste le temps de lui faire 3 enfants et il quitte le foyer conjugal. Et vite, où va-t-il? Ah ben, je ne sais pas exactement, mais il meurt en 1936 à Rotterdam à l'âge de 45 ans. Sans ressources, la mère de George décide alors de confier son fils à la famille de son mari en Égypte. D'accord, mais alors ce nom de Blake, là, d'où vient-il? C'est celui du deuxième mari de sa mère, un Anglais. Donc le jeune Blake est envoyé en Égypte. Là-bas, il est recueilli par une tante. Une femme qui est mariée à un richissime banquier, un certain Curiel. De la famille d'Henri Curiel, n'est-ce pas? Curiel, il faut le rappeler, a été assassiné en France il y a une trentaine d'années. En 1978, exactement. Oui. Ce dirigeant révolutionnaire, qui était aussi un homme exceptionnel, gênait beaucoup de monde. Ah, je me souviens qu'on a prétendu que Curiel était un agent du KGB. Oui, avant sa mort. Une véritable campagne de presse a même été organisée contre lui. Mais je crois avoir fait litière de ces accusations lorsque je vous ai parlé de lui. Ce qui est exact, par contre, c'est que Curiel a été le fondateur du Parti communiste égyptien. Mais dans notre histoire, l'important n'est pas là. Alors, qu'est-ce que c'est? Plus tard, il a été tentant de prétendre que Blake avait été recruté par son cousin Curiel. Recruté comme quoi? Comme agent du KGB? Bien entendu. Mais les tenants de cette thèse mensongère oublient que Blake, lorsqu'il a rencontré Curiel, n'avait que 14 ans. Un peu jeune pour en faire un agent, non? Et d'autre part, il n'a séjourné au total qu'un peu plus de 2 ans en Égypte. Ouais. Mais cet adolescent a pu être idéologiquement influencé par Curiel, qui était plus âgé que lui et qui était surtout extrêmement brillant. C'est possible. Non, c'est même très plausible. Curiel a dû être une sorte de grand frère pour George Blake. Mais n'exagérons pas. Ouais, je vais encore une fois me faire l'avocat du diable. Blake a pu ensuite rester en relation avec son cousin. C'est juste. Mais je vous l'assure, Blake n'avait nul besoin de Curiel pour devenir un agent double. Parce que, je vais vous le montrer, Blake n'était pas un espion comme les autres. Lui, il est devenu espion par conviction. Rendez-vous avec X. Un mot ici sur le cousin de Blake, Henri Curiel. Il faut d'abord dire que ce fondateur du Parti communiste égyptien a aidé la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Expulsé d'Égypte par le roi Farouk, il est donc venu en France où il a créé notamment le réseau Solidarité destiné à soutenir les mouvements de libération nationale, ce qui lui a valu d'être très étroitement surveillé par la DST. Mais en aucun cas comme espion, d'après Roger Faligo et Pascal Krop, auteurs d'une remarquable histoire de la DST parue chez Flammarion. Extrait. À la question « Curiel est-il un agent du KGB ?», la DST répond « Non ». Communiste trop atypique, il soutient souvent des mouvements qu'exècre Moscou. Et à cette autre question, est-il le patron d'un réseau terroriste? La DST répond encore non, comme en témoigne ce qui reste de son dossier dans les archives. Cette dernière, c'est que Curiel aborde le terrorisme, le jugeant contre-productif. Il menace d'excommunication les jeunes militants qui s'amuseraient à tisser des liens avec les brigades rouges italiennes ou la fraction armée rouge, RAF, allemande. Les Palestiniens, les Sud-Africains, les Irlandais, c'est autre chose. Dans le cas palestinien, il joue même les bons offices pour amorcer des négociations entre Arabes et Israéliens. La DST est sûre d'elle. Elle sait tout ce qui se passe au sein de Solidarité, elle se permet même de mettre en garde des gens de Solidarité qui se laisseraient aller à de mauvaises fréquentations. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, Blake se trouve en vacances chez sa mère. À Hollande, donc. Oui, en tant que sujet britannique, il est interné quelques semaines par l'occupant. Mais dès sa libération, le jeune homme n'hésite pas une seconde. Il s'engage dans la résistance. Ouais, c'est courageux, parce qu'il n'a tout juste quoi, 18 ans. Et à demi-juif. Il prend encore plus de risques que les autres. Ouais. Et ensuite, alors? Je vais vite. Il passe en France, prend contact avec des résistants, réussit à franchir les Pyrénées, mais se fait arrêter par la police espagnole. Enfin, après pas mal de mésaventures, il parvient à gagner l'Angleterre. Dans l'intention de combattre. Naturellement. Et après avoir rempli je ne sais combien de dossiers et répondu à plusieurs interrogatoires, Blake est incorporé dans la marine où il reçoit une formation d'officier. On est en quelle année, là? Fin 1943, je crois. Admis officier, George Blake demande à rejoindre les services secrets. Ah, ça amène de l'eau au moulin des partisans de la thèse selon laquelle Blake aurait été recruté par son cousin Curiel. Non, si Blake demande cette affectation, c'est tout simplement parce qu'il désire devenir agent de liaison entre Londres et la résistance hollandaise. Et d'ailleurs, il va subir un sévère entraînement de parachutisme. Alors, est-il admis finalement dans les services secrets? Exactement, dans l'intelligence service, le MI6. Mais dans ces derniers mois de la guerre, Blake ne pourra pas réaliser son rêve, sauter au-dessus de la Hollande. Et quand il arrivera enfin dans son pays natal pour y installer une antenne du service secret, les Pays-Bas auront déjà été libérés. Trop tard, donc. Et ensuite, alors, que devient-il? Blake apprend son métier. Son métier d'agent secret. Ouais. Il est envoyé en Autriche, puis en Allemagne occupée, où il est chargé de monter un réseau de renseignements qui doit espionner les Soviétiques présents dans l'autre Allemagne, celle de l'Est. Ouais. Mais à ce moment-là, il n'a toujours pas été recruté par le KGB. Non, officier permanent du MI6, il suit ensuite des cours de russe à Cambridge. Cambridge a décidément joué un grand rôle dans l'histoire de l'espionnage, puisque c'est à Cambridge qu'ont été recrutés Philby et les autres. Tout à fait. En tout cas, pour le jeune officier, ses études de russe, c'est ce qu'il a écrit plus tard dans ses mémoires, sont l'occasion de se familiariser avec la littérature russe et même de mieux comprendre le peuple russe. Quoi? Début de sympathie? Incontestablement. Quand sa formation a été terminée, Blake a été nommé à Séoul, en Corée du Sud. En tant qu'agent secret, donc. Oui, et sous couverture diplomatique, bien sûr. Il était alors officiellement vice-consul. Séoul est alors un des points chauds du globe. Ah oui, la guerre de Corée. Elle n'avait pas encore éclaté. Mais après 1949 et la prise du pouvoir de Mao en Chine, on s'attendait à tout moment à ce que les troupes du Nord envahissent la Corée du Sud. D'autre part, Séoul n'était guère éloigné de Vladivostok. Et l'une des missions de Blake consistait à recueillir des informations sur les installations militaires de ces provinces maritimes orientales de l'URSS. Mais quand la guerre de Corée arrive enfin, que se passe-t-il alors? Une précision d'abord. À Séoul, Blake est profondément marqué par ce qu'il voit. C'est-à-dire? La corruption du régime, les méthodes brutales de la police, par exemple. Oui, d'accord. Alors, la guerre, je vous demandais. Blake, comme d'autres diplomates ou agents, est pris au piège dans Séoul, rapidement conquise par les troupes nord-coréennes. Et quoi, il est fait prisonnier? Oui, malgré une tentative d'évasion, il va rester 3 ans aux mains des communistes. 3 années très dures dans un camp où on n'est pas particulièrement tendre avec les représentants de l'impérialisme, comme on disait à l'époque. Si Blake, à ce moment-là, avait déjà été un agent de l'Est, pensez-vous qu'il aurait été traité de cette façon ? Effectivement, encore qu'il aurait pu y avoir manipulation ou dissimulation. Non, non, dans ce cas, on se serait débrouillé pour que Blake s'évade. Mais s'il a été traité aussi durement que vous le prétendez, ça a dû aussi lui ouvrir les yeux sur la réalité du monde communiste, non ? Ah, eh bien, pas du tout. Blake, pendant sa longue captivité, réfléchit, lit. Si ces geôliers sont aussi cruels, c'est à cause de la guerre. Une guerre impitoyable, meurtrière. Une guerre dont il attribue la responsabilité aux seuls États-Unis. Lui, il est victime de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Et qui fait que les otages finissent par éprouver de la sympathie pour ceux qui les détiennent. Bon, honnêtement, je ne crois pas. Alors, il a peut-être subi un lavage de cerveau ? C'est possible. En tout cas, alors qu'il est encore prisonnier, Blake fait passer une lettre aux représentants soviétiques en Corée du Nord. Quoi ? Une offre de service ? Oui. Ouais. Et elle est acceptée ? Assez rapidement. Pour le KGB, Blake peut être une recrue de choix. Mais très intelligemment, on se garde bien de le faire libérer prématurément. Ah oui, pour ne pas éveiller des soupçons de la part de ses employeurs britanniques. Bien évidemment. Et quand enfin George Blake est libéré et peut rejoindre la Grande-Bretagne, il est accueilli en héros dans le pays et par son service. Et il reprend son boulot d'agent ? Naturellement. Et il est nommé à Berlin. Ah oui. Nous y voilà enfin. Et c'est en quelle année alors ? 1953. Et Blake va alors pouvoir donner la mesure de ses talents. Il avait mis au point un système très intelligent, je vous explique. Un agent en poste à l'étranger ne demeure en place que s'il est capable de renseigner parfaitement le service auquel il appartient. Ouais, et pour Blake, c'était donc d'abord le MI6. Hein, c'est ça. Donc, s'il voulait rester crédible, il lui fallait apporter du solide. Aussi s'en était-il ouvert à son officier traitant du KGB. Et celui-ci lui a désigné un fonctionnaire soviétique installé à Berlin. Un homme qui serait désormais sa taupe. Attendez, une fausse ou une vraie taupe ? Une vraie. Je veux dire un vrai traître. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce type dont le nom de code était Boris n'a jamais su qu'il communiquait des informations à un agent double. C'est un peu compliqué, non ? Ah, pas du tout. C'était au contraire extrêmement intelligent. En cas de pépin, si par exemple ce fonctionnaire décidait de passer à l'ouest, Blake ne pouvait pas être soupçonné, puisque pour ce soviétique, il avait toujours cru avoir affaire à un véritable agent anglais. En tout cas, grâce à cette taupe, Blake a pu fournir aux Britanniques des informations puisées à la meilleure source. Mais quand même, préalablement triées en accord avec son officier traitant du KGB. Mais il va sans dire. Et comme toujours, pour rester crédible, Blake fournissait quelques pépites au milieu de renseignements sans importance. Oui, mais par ce biais, alors, les Soviétiques pouvaient aussi se livrer à quelques manœuvres de désinformation. Et ils ne s'en sont sans doute pas privés. Mais prudemment, car il ne fallait surtout pas que Blake soit soupçonné. Alors, venons-en maintenant à ce qui a sans doute été le couronnement de la carrière de Blake, l'opération Gold, l'affaire du tunnel de Berlin. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Dans un livre de mémoire publié en 1990, George Blake explique longuement le cheminement de sa pensée pendant sa captivité en Corée du Nord, alors qu'il est déjà convaincu de la justesse des thèses marxistes. Il me semblait que, dans la situation particulière où je me trouvais, trois voies s'ouvraient à moi. Premièrement, je pouvais demander l'autorisation de rester en Corée du Nord quand la guerre serait terminée pour aider à la reconstruction de ce pays. Deuxièmement, je pouvais retourner en Angleterre, démissionner du service, m'inscrire au Parti communiste et vendre le Daily Worker ou faire un autre travail de propagande de ce genre. Troisièmement, je pouvais utiliser ma position au MI6, pour transmettre à l'Union soviétique des renseignements qui passaient à ma portée sur les opérations menées par les services de renseignement occidentaux contre ce pays, contre ceux du bloc socialiste et contre le mouvement révolutionnaire mondial, et ce faisant, les condamner à l'échec. George Blake choisit donc la troisième solution, cas de conscience. je me rendais compte que j'allais trahir la confiance que l'on avait mise en moi, trahir mes amis et mes collègues du service. Je savais aussi que j'allais trahir le pays à qui je devais fidélité. Je soupesais tout cela et au bout du compte, j'estimais que je devais assumer cette culpabilité si lourde qu'elle fût. Être dans une position où l'on peut prêter assistance à une si grande cause et ne pas le faire serait encore plus répréhensible. Il n'y a pas 36 moyens pour obtenir des informations, aujourd'hui comme hier. Ou bien on passe par les hommes, ou alors on fait appel à la technique. Dans les années 50, bien sûr, on ne disposait pas de satellites espions. Mais il y avait les lignes téléphoniques. Déjà à Vienne, et Bleck en était, les Occidentaux avaient réussi à mettre brièvement sur écoute les communications soviétiques dans la capitale autrichienne. Et c'est à partir de cet exemple qu'ils ont imaginé l'opération Gold. La construction d'un tunnel sous Berlin-Est. Ni plus ni moins. Oui, un tunnel de 500 mètres de long qui devait aboutir jusque sous le complexe militaire soviétique de Karlshorst, qui abritait le quartier général du renseignement dans le sud-est de Berlin. L'objectif étant de placer des bretelles sur les lignes téléphoniques souterraines qui partaient du bâtiment afin de pirater les communications des soviétiques. Et ce tunnel, m'avez-vous dit autrefois, a réellement existé. Tout à fait. Il a été creusé et construit par les Américains et les Britanniques. On en a même exhumé récemment des tronçons. C'est en effet une opération assez extraordinaire. Et d'abord sur le plan technique, car les travaux de ce creusement d'un tunnel long d'un demi-kilomètre devaient s'effectuer dans le plus grand secret. Ouais, dans la plus grande discrétion. Sans faire de bruit. Ouais. Ça me paraît quand même plus difficile, non ? Aussi, les constructeurs ont-ils imaginé de dissimuler les travaux sous couvert de l'édification d'un radar pour l'US Air Force. Mais vous avez raison, quand on est arrivé sous la partie est de Berlin, il a fallu redoubler de prudence pour ne pas donner l'alerte. Autre obstacle de taille, l'évacuation des terres. Et une évacuation qui n'aurait pas manqué d'étonner. Or, il y en a eu pour plus de 1000 mètres cubes. Alors, quelle solution a-t-on trouvé ? Les ingénieurs ont imaginé le creusement d'un entrepôt souterrain adjacent au tunnel. Et c'est là que les terres ont été déversées. Mais il y a encore eu 1000 autres problèmes techniques à résoudre. Celui de la température, par exemple. C'est-à-dire ça ? Les opérateurs qui devaient travailler ensuite dans la chambre d'écoute bénéficieraient de l'air conditionné. Mais en aucun cas, il ne fallait dégager de chaleur. Expliquez-moi ça. Le tunnel a été construit à 2 mètres sous la surface. Si de la chaleur s'en était échappée, l'hiver, elle aurait fait fondre la neige accumulée sur le sol. Ah ouais, alors le tracé du tunnel serait d'un seul coup devenu visible. Exactement. Enfin, je passe sur ces multiples détails techniques. Il a fallu quand même presque un an pour achever les travaux. Et début 1955, les branchements ont été effectués et les enregistrements ont pu commencer. Pendant plus d'un an, ce piratage téléphonique des centaines de lignes des soviétiques a fourni une masse énorme de renseignements aux occidentaux. Des centaines de kilomètres de bandes magnétiques, à tel point que lorsque l'opération Gold a pris fin, dans les circonstances que je vais vous conter, il a fallu encore 2 ans pour décrypter ce fabuleux matériel. Et quel a été le rôle de George Blake dans cette affaire ? Bleck, qui était en poste à Berlin, a été associé au projet depuis l'origine. Il a donc participé aux premières réunions. Et il a même été chargé par ses collègues, tant états-uniens que britanniques, de s'occuper de la protection des documents rédigés à l'occasion. Et comme c'était un agent double, il a dû aussitôt avertir son correspondant du KGB. Bien sûr. Ouais. Donc les Russes savaient. Oui, et dès le début. Pour eux, c'était formidable. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en attendant, voyons comment l'opération Gold a pris fin, officiellement en tout cas. Ah, d'accord, alors quelle a été la version officielle ? Un jour d'avril 1956, les soviétiques constatent des dysfonctionnements sur leur ligne téléphonique du quartier général de Karlshorst. Ils font des vérifications, et patatras, en creusant pour vérifier l'état de leur câble, et ils découvrent le poteau rose. Ouais, le tunnel. Le tunnel, oui. Et les installations d'écoute qui se trouvent à l'intérieur de cette installation souterraine. Et ce sont ces bretelles qui ont perturbé le fonctionnement des lignes ? En principe, oui. Et en suivant le tunnel, ils s'aperçoivent que la galerie conduit jusque dans le secteur américain. Aussitôt, ils décident d'exploiter cette découverte. convoque une conférence de presse, invite les journalistes à déambuler eux-mêmes dans le tunnel. C'est un énorme succès pour la propagande soviétique qui a beau jeu de dénoncer les manœuvres d'espionnage de la CIA. Joli coup, en effet. Mais qui s'est aussi retourné contre les soviétiques, car les journalistes qui ont assisté à la démonstration ont également mis en valeur l'exploit technique réalisé par les anglo-saxons. Question annexe, là. Lorsque les soviétiques ont mis à jour le tunnel, il n'y avait personne à l'intérieur ? Non, parce que les abords du tunnel étaient surveillés en permanence. Et dès que les guetteurs ont signalé une activité inhabituelle au-dessus du tracé du tunnel, ils ont donné l'alerte. Et les opérateurs ont été immédiatement évacués. Donc personne n'a été pris. Alors, maintenant la question qui se pose est celle-ci. Si les soviétiques connaissaient l'existence du tunnel depuis si longtemps, pourquoi ne sont-ils pas intervenus plus tôt ? Je vais d'abord nuancer. Les soviétiques, dites-vous. Mais peut-être pas tous les soviétiques. C'est le KGB qui était au courant. Or, le quartier général espionné dépendait de l'armée. Et il y a la possibilité que le service de renseignement de l'armée rouge, le GRU, n'ait pas été informé par son homologue civil. Le KGB. C'est quand même difficilement croyable, même si je sais qu'il existe toujours des rivalités entre services. Eh bien pourtant, il semble que c'est été le cas. Si l'on en croit quelques spécialistes occidentaux, tout au moins. Ah bon ? Parce que pour vous, vous avez des doutes, quoi. Oui. Mmh. Le renseignement, c'est aussi une affaire de propagande. Les anglo-saxons, et surtout les américains, ont toujours prétendu que grâce au tunnel, ils avaient accru de façon considérable leurs informations sur l'état des forces du pacte de Varsovie. Les effectifs, les armes, les stratégies. Et encore, je ne sais quoi. Mais pour rendre tout ça crédible, il fallait expliquer pourquoi, malgré la trahison de Blake, qui sera révélée quelques années plus tard, ils avaient pu s'emparer d'autant de renseignements importants. Ah oui, alors seule la fable de la rivalité entre services soviétiques, pouvait accréditer cette thèse. Exactement. Parce qu'en cas contraire, ils se trouvaient devant un fichu problème. Les Russes, se sachant espionnés, auraient pu se livrer à une formidable manœuvre de désinformation et intoxiquer les Occidentaux, à loisir. Et ça, pardonnez-moi l'expression, mais c'était dur à avaler. Vous comprenez maintenant ? Enfin, ce que je comprends surtout, c'est qu'il est toujours difficile d'avouer qu'on a été abusé. Mais d'après vous, là, les Soviétiques se sont réellement livrés à ces manœuvres de désinformation ? C'était tentant, non ? Tentant, mais dangereux. Pourquoi ? Parce qu'un jour ou l'autre, les Anglais et les Américains pouvaient avoir la puce à l'oreille. Or, la priorité pour les Russes, c'était d'abord de protéger Blake. Un service secret n'a pas souvent l'occasion d'avoir un agent infiltré au sein même de la citadelle ennemie. Donc, il fallait à tout prix que Blake ne soit jamais soupçonné. C'est pourquoi la découverte du tunnel devait paraître accidentelle. Ah oui. George Blake est donc passé à travers les mailles du filet. Tout à fait. Mmh. Et après l'épisode du tunnel, il a continué à faire son petit boulot d'agent double. Oui, mais il a quand même fini par être démasqué. C'est exact. À cause d'un transfuge polonais passé à la CIA, c'était en 1961. Alors, Blake est donc arrêté, jugé. Et au cours du procès, il ne fait pas mystère de son travail d'agent double. Bien au contraire, il se félicite en tant que marxiste convaincu d'avoir pu aider l'URSS. J'imagine qu'il est lourdement condamné. 42 ans de prison. Une peine très lourde. Mais il faut dire que George Blake a fait beaucoup de dégâts. Il aurait permis à ses chefs du KGB de découvrir 400 agents de l'Ouest opérant à l'Est. Ça me paraît beaucoup. Moi aussi, parce que Blake ne pouvait pas tout savoir. Au cours de son procès, l'espion, s'il n'a pas nié ses dénonciations, a affirmé qu'aucune d'entre elles n'avait donné lieu à des peines de mort. C'est ce qu'il avait exigé du KGB. Mais les soviétiques étaient-ils tenus de respecter leurs engagements ? Oui, ça me paraît plus douteux. Et qu'est-il devenu alors, lui ? Après sa condamnation, il est enfermé dans une des prisons les plus étroitement surveillées du Royaume-Uni. Wormwood Scrubs. Mais il était dit que Blake n'était décidément pas un homme comme les autres. Car en 1967, il réussit à s'évader. Comment ? Grâce à d'anciens détenus qui auraient appartenu à l'IRA. Mais pour ma part, j'avoue que j'ai toujours nourri des doutes sur cette évasion. Vous pensez qu'elle aurait pu être organisée par quelqu'un d'autre ? Les Russes, par exemple ? Bien sûr. Mais en même temps, je me demande si les autorités anglaises n'ont pas fermé les yeux. Vous savez bien qu'un espion arrêté sert souvent de monnaie d'échange pour obtenir la libération d'autres agents détenus par l'adversaire. Blake aurait donc pu s'échapper à la faveur d'un tel marché. Je n'ai pas de preuves, mais c'est tout à fait possible. Et qu'est-il devenu ? Oh, Blake a rejoint l'URSS, où il a vécu ensuite le plus tranquillement du monde. Et il est aujourd'hui protégé par le service secret qui a pris la suite du KGB après la disparition de l'URSS. Espion retraité. En quelque sorte, oui. Les Soviétiques et les Russes, aujourd'hui, ont toujours accueilli avec beaucoup de chaleur les Occidentaux qui les avaient servis. J'ajoute que Blake a été aussitôt décoré de l'ordre du drapeau rouge. Une distinction qui n'est décernée qu'aux plus valeureux combattants. Une preuve supplémentaire que Blake a certainement été l'un des espions soviétiques les plus importants du siècle dernier. Mais tenez, les dernières nouvelles qu'on a reçues de lui sont assez étonnantes. Il arrive à George Blake de donner des cours aux petits nouveaux qui s'engagent dans les services secrets russes. Des services qui ne sont pourtant plus communistes. C'est vrai. Mais Blake est peut-être devenu un authentique patriote russe, même s'il a gardé sa nationalité britannique. Il aurait même abandonné sa foi communiste pour se convertir à l'orthodoxie. Quoi qu'il en soit, dans sa très discrète mais confortable datcha de Voronezhev, il vit douillettement et demeure un héros pour les Russes. Il y a tout juste 2 ans, il a reçu des mains même de Vladimir Poutine la médaille de l'amitié, la plus haute décoration qui puisse être attribuée à un nom russe. Dans la prochaine émission, un autre entretien consacré à l'Allemagne de l'Est et à Berlin à l'occasion du 20e anniversaire de la chute du mur, on parlera de terrorisme et de RDA. Et puis, je vous signale toute une série de livres, et ils sont nombreux, consacrés à la chute du mur et à Berlin d'une façon plus générale. Alors, une première liste, je vous en donnerai une seconde la semaine prochaine. Le mur de Berlin, petites et grandes histoires de Bernard Brigoulex. Berlin 1989 de Georges Marion. Histoire secrète de la chute du mur de notre ancien collègue Michel Meyer. Autant de livres et de titres dont vous trouverez les références sur franceinter.com. À samedi prochain, Valérie Ayestaraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub m'ont aidé à confectionner ce programme. Et tout de suite après le flash, de la verdure, c'est au de mon amour de Denis Chessou.